Cette année, prenez le sentier de la victoire. Faites l'expérience de l'excellence. Vivez les Patriotes de l'UQTR. Mardi 23 novembre, les Patriotes hockey affrontent Carleton au Colisée de Trois-Rivières à 19h15. Vendredi 26 novembre, les Patriotes hockey se mesurent à Guelph, à l'Arena Claude-Mongrain à 19h15. Les Patriotes de l'UQTR, une tradition d'excellence. UQTR.ca/patriotes. Le soleil luit pour tout le monde, une émission biographique dynamique qui porte sur un artiste francophone. Chaque semaine, une nouvelle découverte vous appelle. Soyez-y! Dès 9h, les mardis matins, sur C'est fou 89.1. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie, également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêt et bourse, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert Dessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Jeudi soir, entrez dans la spirale dès 18h sur C'est fou 89.1. En rediffusion le mercredi de 14 à 15h. Anonyme sont la mèche en marchant mes crayons. C'est fou ça, 89.1. Anonyme, moi je perds mon temps. En me mentant, affirmant ma trop haute empreinte. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à C'est fou 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Bienvenue à Connaître ensemble, l'émission pour tout savoir en périnatalité par les étudiants du baccalauréat en pratique sage-femme de l'UQTR. Mon nom est Jessica Boulanger et je serai votre animatrice avec Véronique Bazinet pour la session automnale 2010. Les propos tenus lors de cette émission représentent exclusivement l'opinion des membres de l'équipe de l'émission et ne peuvent être associés à aucune autre organisation. Il ne reflète aucunement l'opinion des sages-femmes. Alors, dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons aborder un sujet à la fois intriguant et tabou, la naissance orgasmique. Il est possible pour les femmes de vivre leur accouchement comme une expérience sensuelle et jouissive, entrant dans un état naturel orgasmique. Des recherches démontrent comment l'expérience intime de la naissance affecte profondément la vie des femmes. La façon dont les femmes donnent naissance a le potentiel de changer comment elles se sentent par rapport à elles-mêmes. Avoir un orgasme durant la naissance d'un enfant peut être perçu comme étant obscène, pervers et honteux. Socialement, l'orgasme, on en parle peu ou pas du tout, c'est un tabou. Pourtant, c'est une expérience normale qui peut être facilement expliquée physiologiquement et qui n'a rien d'honteux. Que peut-on demander de mieux que la venue au monde de notre enfant nous apporte du plaisir? Pour traiter de la question, nous démystifierons le rôle des hormones lors de l'accouchement et leur parallèle avec l'orgasme. Par la suite, nous parlerons des éléments qui peuvent contribuer à une expérience extasique de la naissance afin de vivre cette expérience le plus agréablement possible et qui sait, avec du plaisir et un orgasme en plus. Nous terminerons avec un témoignage par Nicole Pinault, ayant vécu elle-même un accouchement orgasmique lors de la naissance de son deuxième enfant. Alors, débutons l'émission par une capsule sur le rôle des hormones en accueillant Cathy Bordelot, étudiante sage-femme, qui nous présentera comment le tout s'orchestre. Bonjour Cathy. Bonjour Jessica, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Donc, je vais débuter la capsule sur le rôle des hormones dans l'orgasme et lors de l'accouchement. Donc, avec la médicalisation de la naissance, qu'on parle de l'avènement de la fertilisation in vitro, de la césarienne, de l'épidurale, les rythmes naturels de la conception et de l'accouchement peuvent être contournés. En effet, l'avancée des technologies médicales a permis à la femme de concevoir un enfant et d'accoucher sans avoir recours au cocktail des hormones de l'amour. Ces hormones qui jouent un grand rôle dans l'accouchement, mais également lors de l'orgasme féminin. Mais qu'en est-il des rites naturels de l'accouchement hors du contexte de la médicalisation de la naissance? Le médecin Michel Audin s'est intéressé à la question. Depuis les années 70, il mène des expérimentations et recueille des données afin de mieux saisir le rôle des hormones et des changements physiologiques qui interviennent au cours des différentes phases de l'accouchement. En combinant des données sur la naissance dans des conditions exceptionnelles d'intimité et de sécurité, il conclut que l'être humain est programmé pour donner naissance dans un état orgasmique. Un sondage paru dans le Courrier international en 2009 appuie cette thèse. Sur les 151 femmes interrogées par la sage-femme américaine Ina May Gaskin, 82, c'est-à-dire la moitié, disent avoir vécu au moins un accouchement orgasmique. Certes, il s'agit là de naissances à domicile et de femmes très ouvertes à une expérience de ce type. Mais les avantages sont loin d'être négligeables. Un seul et unique orgasme serait 22 fois plus puissant qu'un calmant moyen et l'excitation sexuelle entraîne une ouverture très sensible du vagin, ce qui n'est pas négligeable lors d'un accouchement. Examinons maintenant de plus près les changements physiologiques et les fameuses hormones de l'amour afin de mieux comprendre leurs effets respectifs dans l'accouchement et l'orgasme. Nous allons débuter avec le réflexe d'éjection du fœtus. Michel Audin établit un parallèle intéressant entre l'orgasme et ce réflexe. Il décrit le réflexe d'éjection du fœtus comme une série de contractions rapprochées qui ne laissent pas place au mouvement volontaire et permettent une sortie rapide du fœtus. Pour que le réflexe d'éjection du fœtus soit possible, il est essentiel que le néocortex, c'est-à-dire la partie du cerveau humain qui est reliée aux activités intellectuelles, soit au repos et qu'il n'exerce plus de contrôle sur les structures archaïques du cerveau qui sont en charge des fonctions vitales, comme celle de l'accouchement. Lorsque le travail est avancé, le cocktail d'hormones, dont la production peut être inhibée par la stimulation du fameux néocortex, permet de déclencher le réflexe d'éjection. Une des raisons pour lesquelles l'accouchement de l'être humain est difficile en comparaison aux autres mammifères, c'est qu'il est lié au fort développement du néocortex dans notre espèce. Un tel développement du cerveau de l'intellect, c'est un handicap dans certains contextes parce que c'est une source d'inhibition dans le processus de l'accouchement et durant toute autre forme d'expérience sexuelle, comme dans l'orgasme. Les conditions propices pour que les femmes puissent atteindre le réflexe d'éjection sont pratiquement jamais présentes lors des accouchements à l'hôpital parce qu'elles ne sont pas comprises, elles ne sont pas bien comprises. En effet, ces conditions doivent permettre aux femmes de se sentir protégées de toute stimulation de leur néocortex. Comme le langage est un fort stimulant de cette partie du cerveau, ça nous rappelle l'importance du silence puis de l'utilisation de la parole que dans des cas de besoin extrême. Donc, la meilleure des sages-femmes serait celle qui saurait garder sa bouche fermée. On comprend donc qu'il n'y a pas de réflexe d'éjection lorsque l'accouchement est dirigé. Maintenant, l'ocytocine. L'ocytocine, souvent surnommée hormone de l'amour, c'est une hormone polyvalente qui permet de faire un lien évident entre l'orgasme féminin et l'état orgasmique pouvant être atteint lors d'un accouchement. C'est elle qui déclenche et maintient les contractions de l'accouchement, et puis c'est aussi elle qui déclenche la mécanique de l'orgasme chez l'homme comme chez la femme. L'ocytocine fait partie de la famille des endorphines. Elle va générer du plaisir tout en étant un puissant analgésique. Elle joue des rôles diversifiés tout au long de l'accouchement. Les niveaux d'ocytocine augmentent graduellement pendant le travail et sont à leur maximum au moment de la naissance, ce qui va contribuer à l'euphorie et à la réceptivité de la mère envers son bébé. Et puis, cette euphorie-là est normalement pas ressentie lorsqu'il y a utilisation de médicaments lors de l'accouchement. Le pic d'ocytocine est déclenché par les sensations d'étirement du vagin au moment de la naissance, ce qui ne se produit pas lors d'une épidurale. L'ocytocine a aussi un rôle crucial à jouer après la naissance. Elle cause des contractions qui vont provoquer la séparation du placenta de la paroi de l'utérus et ainsi provoquer son expulsion. Lorsque les niveaux d'ocytocine sont élevés, les contractions sont fortes, ce qui réduit le risque de saignement ou d'hémorragie postpartum. Mettre le bébé au sein est la façon la plus simple d'augmenter les niveaux d'ocytocine. Mais Michel Audin mentionne également l'importance de l'intimité durant l'heure suivant la naissance. Ceci permet le contact peau à peau et visuel ininterrompu entre la mère et son bébé, ce qui optimise la sécrétion d'ocytocine. Au cours de l'accouchement, l'excitation sexuelle peut permettre la sécrétion d'ocytocine également, en favorisant à la fois les contractions et un soulagement des douleurs. Dans l'accouchement sensuel, la femme est invitée à entrer en contact avec sa sensibilité et à rechercher la sensation de sécurité, d'intimité et d'ouverture retrouvée dans l'orgasme. Dans un climat de respect et d'intimité, la stimulation des mamelons et du clitoris peut favoriser la sécrétion de cette hormone. De plus, le nourrisson profite des effets calmants et euphorisants de l'ocytocine. inondé des hormones, de ses hormones du bien-être dans son parcours vers le monde extérieur, il va avoir plus de chances de venir au monde heureux et détendu. Maintenant, les catécholamines. Elles sont souvent désignées sous le terme adrénaline. Ce sont des hormones qui permettent les réflexes de combat et de fuite chez l'être humain en situation de danger. Ces hormones peuvent interférer avec la sécrétion d'ocytocine durant le travail et après la naissance. Par contre, elles ont un rôle important à jouer dans la deuxième phase du travail, la phase de la naissance. Tôt dans la deuxième phase du travail, lorsque le col est complètement dilaté, mais que l'envie de pousser n'est pas encore très forte, la femme peut ressentir le besoin de se reposer un peu. Ensuite, la femme peut soudainement avoir la bouche sèche, les pupilles dilatées et un regain d'énergie. Tous ces symptômes sont caractéristiques d'un pic des catécholamines. Cette poussée de catécholamines donne à la mère l'énergie pour expulser son bébé. Michel Audin remarque que lorsque la mère n'a pas reçu de médicaments, elle veut habituellement se placer à la verticale. Certaines cultures ont utilisé cet effet de combat-fuite pour aider les femmes qui avaient des difficultés à accoucher en les surprenant ou en criant durant cette phase. C'est tout à fait logique, bien que surprenant, à ce point de non-retour. La peur ou le danger précipite la naissance pour permettre à la mère de prendre son bébé et de s'enfuir pour chercher refuge. Les niveaux de catécholamines vont baisser rapidement après la naissance, ce qui peut faire en sorte que la mère ait froid ou ait des tremblements. Selon Michel Audin, un environnement très chaud est essentiel à cette étape afin de maintenir les niveaux de catécholamines bas et de permettre à l'ocytocine de travailler efficacement pour expulser le placenta, comme on l'a dit précédemment, et ainsi prévenir les saignements. La relaxine est une autre hormone sécrétée par la femme. Elle est sécrétée par les ovaires, le tissu mammaire ou encore le placenta au cours des semaines qui vont précéder l'accouchement. Chez la femme enceinte, les muscles et les tissus vaginaux sont relâchés sous l'action de cette hormone pour préparer la mise au monde. Elle va rendre les ligaments plus souples et élastiques, ce qui va faciliter le passage du bébé au moment de l'accouchement. Elle est aussi présente dans le sperme où elle favorise la progression des spermatozoïdes dans les voies génitales de la femme. Mais elle ne semble pas jouer un rôle évident dans l'orgasme. Maintenant, les endorphines. Comme l'ocytocine, les endorphines peuvent provoquer l'euphorie et sont aussi sécrétées lorsqu'on fait l'amour et durant l'allaitement. La bêta-endorphine, c'est une des endorphines sécrétées par le cerveau durant les périodes de stress ou de douleur. Et elle est l'équivalent naturel aux médicaments antidouleur comme la pétidine. On en retrouve dans le démérol, souvent administré comme antidouleur lors de l'accouchement. Durant le travail, la bêta-endorphine aide à soulager la douleur et contribue au sentiment d'être sur une autre planète que les femmes ressentent lorsqu'elles ne reçoivent pas de médicaments. Les niveaux de bêta-endorphine sont réduits lorsque des médicaments sont administrés pour soulager la douleur. Des niveaux très élevés de cette hormone peuvent ralentir le travail en diminuant le niveau d'ocytocine, ce qui fait comme si on rationnait l'intensité du travail en fonction de notre capacité à la supporter. Des niveaux modérés de bêta-endorphine vont aider à gérer la douleur durant le travail, en plus d'encourager la femme à suivre ses instincts. Dans ce cocktail hormonal, près de la naissance, la bêta-endorphine joue un rôle dans l'attachement entre la mère et son bébé, qui lui est infusé par des endorphines de la naissance. La bêta-endorphine allume l'apprentissage et la mémoire, ce qui peut expliquer pourquoi les femmes se rappellent très bien de leur accouchement et avec précision. Maintenant, la mélatonine est considérée comme l'hormone du sommeil. Quel est son rôle dans l'accouchement? Eh bien, elle va réduire l'activité du néocortex et dans la vie courante, elle nous prépare au sommeil. Elle est quasi indétectable dans le sang lorsque la personne est exposée à la lumière. Sa production va être favorisée dans l'obscurité ou la pénombre. Cette hormone, qui est sécrétée par l'épiphyse ou la glande pinéale, dépend du taux de luminosité captée au niveau oculaire. Si la femme accouche dans des conditions de luminosité propices, le néocortex est naturellement mis hors circuit par la production de la mélatonine. L'inhibition de l'activité du néocortex favorise la sécrétion des hormones qui permettent au travail de progresser. La prostaglandine. Donc, à l'éjaculation, grâce à la prostaglandine, une substance contenue dans le sperme, l'orgasme peut survenir chez les femmes. La prostaglandine, c'est une hormone aussi présente dans le corps de la femme enceinte. Elle permet le mûrissement du col de l'utérus et le prépare pour l'accouchement. La prostaglandine peut également déclencher des contractions utérines. Certaines femmes qui vivent un retard dans le déclenchement de leur accouchement peuvent avoir recours aux effets de la prostaglandine en ayant une relation sexuelle avec leur partenaire. Non protégée, bien évidemment. Maintenant, la prolactine, dernière hormone de notre cocktail, elle va avoir un effet sur le désir sexuel suivant l'accouchement. La docteure Catherine Solano, qui est médecin sexologue, nous informe sur son rôle. C'est une hormone pro-cocooning et anti-désir. Il est donc normal et naturel qu'une femme n'éprouve que très peu de désir pendant les mois qui vont suivre la naissance de son enfant. Donc, en conclusion, lorsqu'on allume une lumière, qu'une phrase est mal placée ou qu'un courant d'air s'introduit dans la salle d'accouchement, ce sont autant d'éléments qui peuvent perturber le travail. À la lumière de ces informations, on constate donc qu'il est plus facile d'interrompre d'interrompre un accouchement qu'un orgasme, tant les hormones et les processus qui les régulent sont rapprochés. Toutefois, cette parenté hormonale entre l'accouchement et l'orgasme est loin d'être un problème lorsque l'orgasme se met au service de l'accouchement. Et voilà, c'était tout, Jessica. Je te laisse la parole. Merci, Cathy, pour cette capsule très enrichissante. Alors, voyons maintenant comment on peut favoriser la production de ce cocktail hormonal d'amour à partir de la conception jusqu'à l'accouchement. Bien sûr, ces petits conseils ne vont pas remplacer ceux qui vont être donnés par votre professionnel de la santé et ça garantit aucunement un accouchement orgasmique. Elisabeth Davis et Debra Pascali-Bonaro ont écrit un livre sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui, la naissance orgasmique. Elisabeth Davis est une sage-femme et une spécialiste de la santé des femmes depuis plus de 30 ans. Et Debra Pascali-Bonaro est une accompagnante à la naissance et a aussi réalisé le film « Naissance orgasmique ». Dans leur livre, on peut trouver une panoplie d'informations qui concernent les éléments propices à une expérience orgasmique de la naissance, allant de la période de la conception jusqu'à la naissance. Ces éléments n'assurent pas une naissance orgasmique, mais peuvent grandement aider à vivre une grossesse et une naissance heureuse. Chaque trimestre fait ressortir une attention psychologique particulière. Au premier trimestre, l'attention est plus sur soi, au deuxième sur l'enfant à venir et au troisième sur la naissance. Partons du premier trimestre. Le premier trimestre, c'est un moment qui peut être bouleversant puisque le corps change pour accueillir la grossesse et que les émotions font des montagnes russes. On peut aussi avoir l'estomac sur le bord des lèvres, une sensation qui est influencée par les changements hormonaux. C'est un moment où il est important de prendre soin de soi et de se montrer patiente avec soi-même pour récolter les fruits de la joie dans le second trimestre. Il est normal d'être centré sur soi durant ce trimestre. Pour y arriver, on peut prendre le temps de se reposer, de réfléchir et d'intégrer les émotions, les changements, la nouvelle grossesse. Il peut aussi être bien de continuer ou de débuter, si ce n'est pas déjà fait, les activités qui permettent un relâchement sain des émotions et avoir une alimentation qui soutiendra une stabilité physique et émotionnelle. Se reposer peut être difficile alors qu'on continue à travailler de longues heures, mais prendre quelques minutes pour méditer ou simplement écouter de la musique douce avec les yeux fermés peut permettre à l'esprit de se reposer et au corps de se détendre. Cela peut aussi prendre la forme de quelques minutes afin d'avoir des pensées positives. Intégrer ces minutes de relaxation et de bonheur permet une préparation autant pour la naissance que pour devenir parent. On peut aussi tenir un journal ou avoir des conversations avec d'autres femmes enceintes, faire l'amour avec notre partenaire ou à soi-même, ou encore prendre une marche durant la journée afin de prendre le temps de réfléchir et d'entreprendre le processus d'intégration. Ça peut être aussi le moment de régler les petits problèmes qu'on rencontre avec notre partenaire ou les enjeux personnels. Aller chercher de l'assistance peut permettre de maximiser le sentiment de sécurité et de paix durant la grossesse, à l'accouchement et dans la vie en général. Le relâchement émotionnel est supporté par des activités physiques rigoureuses telles que la danse, le yoga, la randonnée pédestre ou la nage. Il faut prendre le temps d'être à l'écoute de notre corps, car des ajustements complexes ont lieu tels que l'accélération du métabolisme, le changement du point de gravité et les articulations et les ligaments qui s'assouplissent. Il peut être bien de commencer à rechercher les différentes options concernant la naissance et d'explorer les ressources à ce sujet afin de pouvoir en discuter avec notre professionnel de la santé. Un livre intéressant sur le sujet est celui d'Isabelle Brabant, « Une naissance heureuse ». Le deuxième trimestre est caractérisé par l'intégration et la stabilité. L'attention se tourne davantage vers le bébé. C'est là que les femmes enceintes rayonnent. Ce rayonnement a une base physiologique. Il y a une augmentation de la circulation sanguine due à une augmentation du volume sanguin. La relaxine et la progestérone dilatent les vaisseaux sanguins afin d'accommoder ces changements. Tout ça est pour justement alimenter le bébé et lui fournir en énergie, en oxygène. Cela permet une augmentation du niveau d'oxygène aussi chez la femme et le niveau d'énergie s'élève vers de nouveaux sommets. Les hormones trouvent un équilibre lors du deuxième trimestre et le niveau de cytocine continue d'augmenter, ce qui peut expliquer le désir sexuel plus présent chez plusieurs femmes durant cette période. Dans toutes les explorations sexuelles, il est suggéré de porter une attention aux réponses émotionnelles et de se laisser de l'espace pour les émotions et les besoins. Ça va paver le chemin vers une naissance orgasmique. La majorité des femmes enceintes, à cette étape, disent qu'elles ne sont jamais senties mieux dans leur vie. Une sensibilité accrue n'est aucunement négative non plus. On peut l'utiliser afin d'explorer nos croyances, nos méthodes de communication, nos limites et nos aspirations profondes. C'est important de communiquer tous ces sentiments à notre entourage qui nous ont vus à des points assez bas lors du premier trimestre, ainsi qu'à notre bébé. On réalise davantage sa présence par les mouvements que l'on ressent vers la 20e semaine. De plus aussi, on prend conscience de ses cycles d'éveil et de sommeil. On commence à l'apprivoiser. N'hésitez pas à lui parler et encouragez votre partenaire à faire de même. Le deuxième trimestre, c'est aussi le moment de consolider et d'explorer les activités physiques, de varier davantage l'alimentation et de bien s'hydrater. Ça peut être aussi un moment idéal pour faire une petite fleur en recevant des massages, des traitements d'acupuncture et de chiropraxie, entre autres. S'asseoir dans une position inclinée vers l'avant peut permettre au bébé de prendre une position favorable pour le travail. En gardant un esprit ouvert, on peut se laisser guider vers une préparation mentale aux expériences qui nous attendent. Le langage et les images mentales peuvent jouer un rôle majeur afin d'explorer les désirs face à l'accouchement. Lire sur les expériences de la naissance peuvent aider à choisir parmi les démarches de préparation qu'on veut. Il peut être intéressant d'utiliser des mots qui sont positifs et qui donnent confiance en faisant référence aux sensations de la naissance, comme les contractions comme étant une vague, une course ou même une escalade. C'est aussi le moment d'entamer la discussion avec notre professionnel de la santé sur le sujet et de ne pas hésiter à tout moment de poser les différentes questions qui surviennent. Il n'est jamais trop tard de changer d'avis concernant la naissance et c'est aucunement un signe de faiblesse. C'est aussi le moment d'avoir recours à des services d'une accompagnante à la naissance si on en veut une. Celle-ci peut nous aider à faire des choix éclairés, à nous outiller vers l'autonomie et à nous soutenir lors de la naissance, autant sur le plan moral que physique. Le dernier trimestre, c'est une phase de transition où généralement l'attention est portée sur la préparation à la naissance qui est imminente. C'est une période de croissance du bébé et elle est habituellement accompagnée d'inconfort physique qui prépare à laisser aller le fait d'être enceinte. Une alimentation riche en protéines, en calcium et en fer peuvent aider le développement du bébé. L'important, c'est pas de se restreindre dans la quantité de nourriture qu'on ingère, mais de mettre l'emphase sur sa qualité. Des brûlures d'estomac sont assez communes puisque l'utérus compresse l'estomac. Pour diminuer cet inconfort, on peut manger des petits repas plus fréquemment et dormir la tête légèrement plus élevée. Dans le dernier mois, la pression de la tête du bébé sur la vessie peut occasionner des réveils fréquents durant la nuit, en plus des mouvements du bébé qui peuvent aussi perturber le sommeil. C'est normal. Et il est important de continuer à bien s'hydrater. Si on sent qu'on a mal dormi, il est bien d'agrémenter les journées avec des sommes afin d'être bien reposé. À ce point de la grossesse, l'exercice peut être très fatigant. On peut donc tenter de faire des activités qui sont plus relaxantes, autant physiquement que mentalement, comme une marche en pleine nature ou de la nage. C'est aussi le moment où est-ce qu'on perfectionne son savoir sur la naissance. On raffine la connexion avec soi-même pour maintenir notre force intérieure et une attitude positive. On continue à bien communiquer avec notre entourage, incluant notre partenaire si on en a un. Les relations sexuelles peuvent facilement être exténuantes. On peut en profiter pour explorer son côté sensuel avec les caresses et les baisers, entre autres. Ça peut être aussi le moment où l'on prend le temps de fréquemment pratiquer quelques techniques d'accouchement par la respiration, les positions avec les personnes qui sont à l'accouchement et nos méthodes de relaxation préférées. Tout en visualisant la naissance, on peut commencer à créer des CD ou des listes de musique pour l'accouchement et ramasser les objets qui pourraient être réconfortants. C'est aussi le moment qu'on peut profiter pour réfléchir comment on va accueillir notre bébé. On prend aussi le temps pour planifier la période postpartum en cuisinant des plats que l'on congèlera, en contactant les gens qui viendront nous donner un coup de main. On n'hésite pas à ouvrir les bras à notre entourage en approchant ceux et celles qui offrent leur aide. On peut aussi faire une liste de ressources offertes dans notre communauté afin de l'avoir sous la main en cas de besoin. C'est aussi le moment de se préparer mentalement à se laisser aller où l'accouchement nous mènera, à lâcher prise. En résumé, durant la grossesse, on tente d'être en santé le plus possible, autant sur le plan physique qu'émotionnel, en laissant épanouir notre sensualité. Durant la naissance, deux éléments clés peuvent aider à un accouchement orgasmique, le sentiment de sécurité et celui de l'intimité, tout comme nous l'a décrit Cathy lors de sa capsule. On choisit un endroit pour la naissance où on se sent en sécurité, relax, respecté dans nos choix et qui appuie la naissance physiologique et son potentiel orgasmique. Il est aussi important lors de la phase de latence de prendre le temps de s'alimenter et de bien se reposer. On peut aussi opter pour des activités stimulantes et relaxantes, tout en priorisant le repos, bien sûr. on fait confiance à son corps et on accepte que tout peut changer. On s'attend à l'inattendu. On accueille la sensation de douleur dans son rôle pour la naissance et on ne lui offre pas de résistance. Ça, c'est le meilleur truc. L'acupuncture, les massages, l'hydrothérapie, l'hypnose, l'herboristerie, l'ostéopathie et l'homéopathie sont parmi les méthodes qui peuvent aider à gérer la douleur. On écoute son corps et on se laisse guider dans les mouvements et les positions par les sensations ressenties. Et aussi, on se laisse guider par le bébé. La sensation de douleur est affectée par l'état émotionnel. On n'hésite pas à laisser sortir les émotions que l'on traverse. Donner naissance, c'est une ouverture. Pas juste sur le plan physique, mais aussi sur le plan émotionnel et spirituel. On tente de recréer un espace intime et sécurisant. Une accompagnante à la naissance peut vous aider à recréer cette bulle intime, tout en soutenant physiquement comme moralement. Une ambiance intime peut se recréer de diverses manières. Des lumières tamisées, de la musique douce, une chambre chaude, des chandelles, l'aromathérapie, des objets personnels ayant une signification sécurisante, la présence des proches avec qui on ne craint pas de se laisser aller, même dans notre côté sensuel. Les caresses, les baisers, la stimulation du clitoris et des mamelons font partie des diverses méthodes par lesquelles on peut exprimer cette sensualité et faire place à l'orgasme. On essaie d'éviter toute honte, tant au niveau des sensations du plaisir qu'on peut ressentir, que aussi des choix qui sont non planifiés durant l'accouchement. La danse et les vocalises, les bruits graves, la respiration, tout ça, c'est des choses qui peuvent venir soutenir le rythme du travail, un rythme qui permet d'inhiber notre néocortex. Les conversations et le stress venant autant de soi que des autres peuvent aussi venir entraver le processus où on tente de plonger dans son propre corps. Des visualisations peuvent être aussi grandement aider à l'évolution du travail et nous soutenir. Imaginez son col qui s'ouvre, vivre une contraction comme on prend une vague ou encore comme une escalade d'une montagne. Lorsqu'on arrive à la période de transition, on peut avoir l'impression de frapper un mur. Ça arrive surtout alors qu'on est dilaté entre 7 à 9 cm et que les contractions sont entre 3 et 1 minute et demie. On peut ressentir une envie de pousser et la douleur peut être assez intense. Une position verticale ou encore s'asseoir sur la toilette peut aider à traverser cette étape. Un contact visuel avec une personne de confiance peut permettre aussi une reprise de confiance et être un point d'attache. C'est le moment de lâcher prise au maximum et d'avoir confiance en notre corps. Lors de la poussée, on laisse aller notre corps avec le changement hormonal qui a lieu. On se rappelle qu'à ce moment précis, un flot d'adrénaline arrive. Une position verticale, inclinée vers l'avant, peuvent aider à maximiser les sensations. La tête du bébé peut entrer en contact avec le point G et les récepteurs de distension déclenchent un nouveau flot de cytocine. Le système de nerfs hypogastrique et pelvien sont stimulés. Il y a une corrélation directe avec le processus d'excitation sexuelle et cette sensation à l'accouchement. L'harmonisation des mouvements avec les sensations dues à la descente du bébé peuvent aider à atteindre cet état d'excitation sexuelle. On accueille les sensations comme elles sont, avec ouverture d'esprit, sans tenter de les contrôler. L'orgasme peut être atteint à ce moment précis. Lorsque le bébé couronne, on peut venir toucher la tête, regarder dans le miroir et soutenir le périnée afin d'atténuer la sensation de brûlure que le couronnement peut occasionner. Tout au long de l'expérience, se voir comme leader et percevoir dans les sensations comme guide peuvent vous permettre de vivre une expérience orgasmique. Cela termine notre survol de la grossesse et de l'accouchement afin de favoriser une naissance orgasmique. Allons maintenant en pause musicale avec Linda Tally sur la chanson « Croire », suivie d'une courte pause publicitaire. Crois-moi, crois en toi, croirai quoi qu'il en soit. Continuer ma vie, continuer de grandir, du meilleur et du pire, relever le défi. Crois en l'homme et souvent me déchirer de sang, me donner comme on donne un baiser ailé. Chercher la voix du vent. Oh, oh, oh. Crois, crois, crois au bonheur. Crois, crois, et oublie ces.

Puis, donc, j'étais déjà rendue à 41 semaines et 3 jours quand le travail s'est déclenché. Ça a commencé le matin, c'est une contraction qui m'a réveillée, une contraction qui était déjà très forte. Puis, tout de suite, là, le travail a commencé, les contractions étaient rapprochées, étaient fortes. Et donc, on s'est préparé pour se rendre à la maison de naissance. Donc, j'étais, disons, à ce moment-là, j'étais dans un état d'excitation parce que j'avais hâte, là, quand même, rendue à ce stade-là. On a hâte que le bébé arrive. Puis, on est arrivé à la maison de naissance. Je me suis installée sur le ballon. Puis, mon conjoint m'a mis un sac magique dans le dos. Puis j'étais bien, puis j'étais prise vraiment par les sensations que je vivais dans mon corps, qui étaient quand même intenses, mais sans être douloureux. Ça ressemblait comme à des Braxton Hicks, là, dans le sens que ça serrait, mais plus fort, beaucoup plus fort. Puis aussi un peu à une crampe menstruelle, dans le sens que c'était comme chaud, puis c'était assez diffus dans tout l'utérus, mais aussi un peu les fesses, le dos, tout ça. Mais j'étais quand même bien, puis justement, j'étais pas trop prise par ce qui se passait autour, parce que j'étais tellement dans mon corps que ce qui se passait autour, je m'en rendais pas trop compte. Puis mais après ça, au bout de peut-être une heure, je suis allée dans le bain. Puis dans le bain, là, c'est vraiment, ça a été super le fun, là, la chaleur, les bulles, c'était très, très, très agréable. Puis aussi le fait d'être dans un environnement un peu plus fermé que de la salle de bain, ça donnait encore plus d'intimité. Puis j'étais vraiment dans ma bulle à ce moment-là, puis j'étais vraiment juste concentrée sur ce que je vivais, puis à rester vraiment détendue, parce que c'est sûr que la sensation, bon, comme je disais, c'était assez intense, mais vraiment, j'étais vraiment focussée sur rester détendue. Puis c'est vraiment comme une fois que j'étais rendue dans le bain, que quand j'avais une contraction, bon, ça commençait, ça ressemblait un peu à une crampe menstruelle, mais dès que la contraction diminuait, ça se transformait en plaisir sexuel. Puis là, plus le travail avançait, bien, plus le plaisir sexuel était là, plus ça augmentait d'intensité. Fait que là, j'étais vraiment bien, je riais, ça me faisait rire. C'était, puis je m'en attendais pas du tout, donc ça, j'étais vraiment dans cette énergie-là, là, d'être super contente de ce que je vivais, puis j'étais vraiment focussée sur mon corps. Puis il y avait aussi mon chum qui était là tout le temps, qui était près de moi, puis ça me faisait du bien, juste qu'il soit là, juste de sentir sa présence. Je sentais que c'était exactement ça que je voulais. Je voulais pas qu'il me parle, je voulais pas de massage, je voulais rien, je voulais juste qu'il soit là, puis c'était exactement ça qu'il faisait. Puis les sages-femmes étaient très discrètes, parce que de toute façon, ils continuaient à travailler, vu qu'il y avait quand même leur journée de travail, leur rendez-vous et tout ça. Ils étaient très discrètes, ils venaient, puis ils sentaient, j'ai vraiment perçu qu'ils sentaient que c'est ça que je voulais à ce moment-là, que je voulais de l'intimité. Puis j'ai vraiment senti que ça a été compris. Puis il venait, il était discret, il repartait. Puis il voyait que tout se passait bien. Je sentais aussi la confiance. Je voyais qu'il sentait que tout allait bien. Puis ça, on dirait que ça m'aidait aussi à continuer à me concentrer sur ma bulle et à être bien là-dedans. Il y avait aussi mon fils puis ma sœur qui étaient là, mais il était pas beaucoup dans la pièce, parce que mon fils, il avait plus le goût de jouer dans la salle d'attente, donc il jouait, puis il venait faire un petit tour de temps en temps, puis c'était correct. Puis là, finalement, quand est venu le moment de pousser, il a fallu que je sorte du bain, puis parce que je pouvais pas accoucher dans ce bain-là. Je suis allée sur le banc de naissance, puis la poche des os avait pas encore crevé, mais j'ai senti que j'avais vraiment envie de pousser, puis l'envie de pousser venait de... Vraiment, on dirait que c'était pas moi qui avais envie de pousser, c'était une envie qui venait comme d'une instance supérieure, ou je sais pas trop quoi, ça passait comme si j'étais un canal, puis que ça passait vraiment à travers moi, puis que c'est ça qui poussait, que c'est même pas moi qui poussait, c'était comme plus fort que moi, vraiment. Puis à ce moment-là, j'ai poussé la poche des os à percer, puis le bébé est sorti la poussée suivante, donc ça a été, j'ai juste eu deux poussées, ça a été très rapide, puis mais ça a été vraiment... vraiment très, très, très intense. Autant pendant les contractions, je me sentais très bien, puis je sentais beaucoup de plaisir et tout ça, mais pendant la poussée, je me suis sentie extrêmement puissante. Je me suis vraiment sentie comme une déesse. Je me suis sentie très, très forte, très belle, très féminine, très capable de tout faire, là. Vraiment, le sentiment de puissance et de confiance que ça m'a amené, ce moment-là, était tellement beau, je pouvais pas croire que je me sentais si bien, je me sentais tellement en puissance de tous mes moyens, même si c'était comme plus fort que moi, tu sais, j'avais pas l'impression de contrôler grand-chose, mais je sentais que cette force-là, c'est comme si j'avais une force-là divine là, en moi, là. J'étais vraiment forte. Puis là, ben, le bébé, quand il est né, là, c'était vraiment l'extase complète, là, l'amour total pour ce bébé-là qui était si fort, puis si beau, je veux dire, j'avais l'impression que c'est comme si le temps s'arrête, puis c'est là que ça se passe, puis toute l'éternité est contenue dans ce moment-là. Là. C'est vraiment un beau moment. Et lorsque tu avais du plaisir durant tes contractions, c'était quoi la réaction des personnes qui t'entouraient durant le travail? Mais c'était c'est assez spécial. Bon, il y avait mon conjoint qui, lui, il trouvait ça beau. Il voyait, puis il était vraiment ému. Les sages-femmes avaient l'air un peu surprises aussi. Ils arrivaient et disaient, oui, ça a l'air de bien aller. Je dis, oui, ça va très bien. Moi, je riais. T'es là, oui, OK. On te laisse aller, tu sais. Il avait l'air de trouver ça particulier. Il y avait ma soeur qui était totalement... elle ne revenait pas de ce qui se passait parce que là, ma soeur, je lui ai dit que j'avais du plaisir sexuel. Puis là, j'ai dit, écoute, là, je pense que je vais finir par avoir un orgasme là, si ça continue. Puis ma soeur était là, mais t'es en train d'accoucher. J'ai dit, je sais, ça n'a pas de sens. Mais j'ai dit, j'ai trop de plaisir. Là. Puis là, je riais, puis elle me voyait, puis je voyais bien qu'elle trouvait ça bien, bien bizarre. Mais c'est ça, je le vivais, puis j'étais tellement bien. Là. Et ça, tu mentionnais, tu ne t'attendais pas à avoir ce plaisir-là. Qu'est-ce que tu savais de la naissance orgasmique avant de vivre ton expérience? Absolument rien. Je ne savais pas que ça se pouvait. Je savais pas qu'on pouvait avoir du plaisir en accouchant. La seule chose que je savais, c'est qu'on pouvait ne pas avoir de douleur à cause de la formation en embryonaissance que j'avais vu que c'était possible. Mais vraiment, là, que ça pouvait être plaisant et orgasmique, ça m'a complètement surpris. Bon, tu mentionnes que tu as fait un peu d'hypnonaissance. C'est quoi la préparation que tu as faite avant la naissance en termes de, au niveau de l'alimentation, l'exercice, relaxation, préparation mentale? Est-ce que tu avais une grossesse plus sensuelle par rapport à ta première grossesse? Bien, je dirais que la grosse différence... principalement, c'est que entre les deux, je me suis posé des questions suite à mon premier accouchement. J'ai été comme en quête un peu pour un nouvel accouchement. Donc, je suis allée, je voulais un accouchement qui soit différent. Je voulais retrouver le sacré de la naissance dans l'accouchement. C'est ce que je cherchais. Fait qu'à travers ça, j'ai fait beaucoup de lectures qui m'ont amené à faire certaines prises de conscience. L'hypnonaissance m'a amené une très grande confiance dans ma capacité d'accoucher, puis d'arriver à l'accouchement sans aucune appréhension, sans peur, sans rien, de vraiment comme... J'étais très, très ouverte, j'avais très hâte à l'accouchement, puis pas juste hâte de voir le bébé, mais vraiment hâte de vivre cette expérience-là. J'avais hâte à ce moment-là en tant que telle, puis ça, je pense que ça l'aide beaucoup d'arriver avec cette ouverture-là, puis cette... face à l'expérience qui s'en vient, sans peur, puis avec une grande confiance. J'avais aussi fait du yoga prénatal, mais même aussi, quand je repense, même avant, je faisais aussi de la méditation. J'avais commencé à faire de la méditation quelques années avant. Puis je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi à me focusser sur... à être consciente de mon corps, parce que je suis quelqu'un qui est naturellement assez dans sa tête, assez cérébrale, puis je suis pas nécessairement très dans mon corps comme personne, mais la méditation, le yoga prénatal, tout ça m'a amené à justement être capable d'être dans mon corps. Puis ça, je pense que ça m'a aidé aussi au moment de l'accouchement, de pouvoir être à l'aise avec ce que je sentais, puis de pas faire wow, qu'est-ce qui se passe, tu sais, d'être, j'avais quand même pris une certaine habitude de me concentrer sur ce que je vivais, puis d'accepter aussi les sensations que je pouvais sentir. J'avais aussi fait un peu de préparation au niveau, comme j'avais été consultante en ostéopathie puis en acupuncture, juste pour me préparer, pour être sûre que mon corps était, disons, de façon optimale, là. J'avais aussi fait quelquefois des massages pendant la grossesse, surtout pour me sentir bien dans mon corps, prendre des moments d'arrêt aussi pour apprécier la grossesse, apprécier de vivre ce moment-là, puis de communion un peu avec mon bébé. Donc, c'était de prendre des moments comme ça. Sinon, à part ça, entre les deux aussi, j'avais fait une formation d'accompagnante à la naissance. J'avais aussi accompagné donc à l'hôpital aussi, là, pas en maison de naissance beaucoup. J'en avais fait quand même un peu. Donc tout ça, ça m'avait amené aussi à voir avoir l'accouchement peut-être d'un autre angle que juste l'expérience que j'avais vécue, d'avoir un peu de l'extérieur, voir aussi certaines choses qui aidaient, comme par exemple la respiration, d'avoir une respiration plus lente, tout ça. J'avais quand même pris des trucs, fait que j'ai appliqué à moi-même aussi, rendu à l'accouchement. Je savais que je devais faire attention à ma respiration, par exemple, des choses comme ça. Et c'était quoi la différence entre tes autres accouchements et ta naissance orgasmique? Le premier accouchement a eu lieu à l'hôpital. J'avais eu un suivi avec un médecin. Puis aussi, la grossesse, quand j'étais devenue enceinte, on était aux Philippines. Donc, on est arrivé ici. J'avais déjà 4 mois de grossesse. Il fallait trouver un logement, un job. On était en organisation complète. Donc, on n'était pas vraiment dans vivre cette grossesse-là. J'ai pas eu le temps beaucoup de vraiment me préparer à ce qui s'en venait. Oui, je l'ai faite, mais en n'ayant aucune idée, aucune connaissance de rien. J'avais pas d'amis qui avaient encore accouché. J'étais encore jeune. J'avais 21 ans quand je suis devenue enceinte. Donc, autour de moi, il n'y en avait pas. Donc, j'étais un peu... on dirait que je savais pas d'où partir, où aller chercher de l'information ou quoi que ce soit. Puis moi, tout ce que j'espérais pour cet accouchement-là, c'était d'éviter la césarienne. Parce que nous, j'ai trois autres sœurs, on est toutes nées par césarienne, mon chum est né par césarienne. Puis la seule autre personne que je connaissais qui était la sœur de ma coloc avait accouché par césarienne. Donc, pour moi, si j'étais capable d'éviter ça, pour moi, c'était ça mon objectif. J'avais pas d'objectif autre que, par exemple, un accouchement naturel, pour moi, c'était pas ça me dérangeait pas. Prendre l'épidurale, j'avais aucun problème avec ça. Je me suis dit, je la prendrai si ça fait trop mal. Mais tu sais, c'était pas... Je m'en foutais un peu, dans le fond. C'était vraiment éviter la césarienne. Puis, donc, je suis arrivée dans ce contexte-là avec un suivi avec un médecin qui était très gentil, mais avec quand même des rendez-vous qui durent 5 minutes. Donc, on te pèse, on prend la pression, puis t'as-tu des questions? OK, bye, tu sais. Donc... Donc, quand je suis arrivée à l'accouchement, en plus, moi, ce que je savais, c'était que mon médecin, elle m'avait dit qu'elle allait être là pour l'accouchement. Donc, moi, j'ai pas pris d'accompagnante non plus. Je savais que ça existait, mais j'en avais pas pris parce que je me suis dit, moi, mon médecin va être là. Puis finalement, ce que j'ai vu à l'accouchement, c'est qu'être là, ça veut dire être présente à la poussée et pas pendant le travail. Puis en plus, avec cet accouchement-là, j'avais commencé à avoir des contractions, puis j'avais perdu un peu de liquide. Alors, je savais pas si c'était du liquide amniotique ou quoi. Puis à l'hôpital, on m'avait suggéré de me rendre à l'hôpital, puis qu'on allait faire un examen, voir si c'était ça. Puis là, il y avait une tempête de neige, ça a pris 1 heure se rendre à l'hôpital. Donc, arrivé là, c'était pas du liquide amniotique, mais vu que j'avais quand même des contractions déjà, puis à cause de la fameuse tempête de neige, on s'est dit, bon, tu vas retourner 1 heure chez vous, une autre heure pour revenir, ça va peut-être être encore plus long parce que la tempête pendant ce temps-là continue. Ça avait comme pas de sens que je retourne chez moi. Donc, je suis restée là. Puis là, bien évidemment, à l'hôpital, là, c'était pas du tout la même chose. Bon, premièrement, je pensais que mon médecin allait être là. Elle était pas là. Je me sentais vraiment toute seule. Mon chum, il savait pas trop quoi faire. Il savait pas. Il se sentait pris au dépourvu. Puis là, les infirmières venaient à toutes les 20 minutes. Et ça, c'est la nuit. Tu sais, moi, je suis arrivée à l'hôpital. Il était 6-7 heures du soir. Puis là, toute la nuit, aux 20 minutes, faire venir. Tu sais, il y avait quelqu'un qui rentrait pour du monitoring. Puis pas pour le soutien humain, comment ça va, tatata. Ta, ta. C'est vraiment, OK, on place le moniteur, je reviens 20 minutes plus tard, enlève le moniteur, je reviens 20 minutes. C'était vraiment. Ça m'a empêché de dormir. J'ai donc passé une nuit blanche à cause de ça, alors que j'aurais pu dormir parce que j'avais pas de douleur. Là, j'étais bien. Justement, quand les infirmières partaient, je commençais à me rendormir. Puis là, j'avais pas le temps de m'endormir qu'elle arrivait puis qu'elle me change encore de position pour changer le moniteur. Donc ça a été vraiment dérangeant pour moi. Puis, il est venu un moment aussi où là, mon bébé, était en postérieur. Alors là, j'ai eu le nerf sciatique coincé. Puis là, ça a été extrêmement douloureux. Là, la douleur a commencé. Là, ça me faisait mal. Je me donnais des coups de poing dans le dos. Je disais à mon chum de me masser, mais il n'y a rien qui faisait. Fait que là, j'ai demandé l'épidurale. Puis là, on vient de me dire que, l'anesthésiste n'est pas là. Il était peut-être 5 heures du matin, quelque chose comme ça. Puis là, il faut attendre que l'anesthésiste vienne. Fait que là, je pleurais. Là, je me disais, oh non, c'est pas vrai. Là, faut que je continue à endurer ça. Moi, je pensais que l'épidurale, dès qu'on l'a demandé, on l'avait tout de suite. Je savais pas qu'il fallait attendre l'anesthésiste et que ça pouvait prendre encore 1 heure ou 2 avant de l'avoir. Donc ça, c'était vraiment pour moi, ça a été un moment vraiment difficile pendant cet accouchement-là à passer. Puis quand finalement ça a passé, là, j'ai fini par accepter ce qui se passait. Mais après, j'ai eu aussi, à un moment donné, j'ai senti une envie de pousser. Puis là, j'étais toute seule. Puis là, mon médecin n'était pas arrivé. J'étais un peu paniquée. Là, je disais à mon chum, mais va chercher l'infirmière. L'infirmière, elle arrive. Puis là, tout ce qui est sorti, dans le fond, c'était comme... C'est la poche des os qui était comme pas crevée. En tout cas, c'était vraiment bizarre. Il y a comme un blob qui est sorti de liquide amniotique. Puis là, l'infirmière, elle a juste pris et est partie avec. Puis je me disais, oui, mais c'était quoi ça? Je savais pas ce qui se passait. Je me sentais vraiment... Puis tout ce qu'elle m'avait dit, c'est de dire, non, t'es pas prête à pousser, là, ça se peut pas. Là, je t'ai examiné tout à l'heure, t'es pas prête à pousser. Oui, mais ça poussait quand même, puis il y a quelque chose qui est sorti. C'était pas... Mais tout ça, toutes ces choses-là ont fait que je me suis sentie extrêmement vulnérable tout le long de ce travail-là. Puis quand finalement mon médecin est arrivé, là, c'était le temps de pousser. Elle m'a dit, OK, t'es dilatée à 10, on pousse. Fait que là, j'ai poussé. Puis là, c'est allé quand même assez rapidement. J'ai poussé, ça a pris une demi-heure. Mais après ça, ils ont pris le bébé, ils l'ont emmailloté, ils ont fait tous les trucs, la vitamine K et tout ça, puis ils me l'ont donné. Puis moi, je me sentais complètement perdue, je me sentais vulnérable. Je savais pas je comprenais pas. On dirait que c'était comme si j'avais pas compris ce qui se passait. J'étais un peu dans les vapes. Puis je me demandais comment ça se fait que ça s'était passé comme ça. Malgré que mon accouchement, puis même là, mon médecin était là, waouh, t'as fait ça comme une championne, ta ta ta, c'est comme. Puis là, les autres infirmières, ils disaient, ouais, pour un premier bébé, c'est incroyable, tout ça. Mais moi, je me disais, non, moi, là, il y a quelque chose qui marchait pas, puis j'étais pas capable de mettre de mots dessus, j'étais pas capable même pas de percevoir qu'est-ce qui avait pas marché, mais je trouvais qu'il y avait un manque d'émotion dans ce que je vivais, là, qui me semblait absolument pas normal. Je me disais, non, il me semble un accouchement, là, je suis posée d'être euphorique, là. Je viens de mettre au monde mon enfant, là. Comment ça se fait que je suis pas euphorique, là? Qu'est-ce qui se passe, tu sais? Puis c'est ça qui a fait beaucoup quand mon premier puis mon deuxième, j'ai cherché réponse à ça. Puis pour mon troisième accouchement, là, j'ai eu encore un suivi sage-femme. Puis là, j'ai eu... sauf que là, on a décidé de l'avoir à la maison. Puis là, donc là, le travail, bon, a commencé très, très doucement. Justement, j'avais tout le temps l'impression que j'étais en proxénix ou quoi que ce soit, mais je me suis faite moi-même... Tu sais, je suis habituée de m'examiner moi-même, donc j'ai examiné mon col. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que mon col avait commencé à dilater. J'étais comme peut-être à 3 cm. Fait que là, j'ai appelé la sage-femme. J'ai appelé mon chum, j'ai dit, bon, ben là, j'ai dit, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe, là. Fait que même si moi, je ne sentais pas grand-chose, j'ai dit, on va quand même. Fait que là, ma sage-femme m'a dit, oui, on va venir voir. Puis là, pendant ce temps-là, bon, j'étais avec mes enfants et tout ça, mais j'étais chez moi. Puis ça faisait que j'étais très focussée sur toutes sortes de choses. Là, j'appelais le monde, hey, oui, je suis en train d'accoucher, ta-ta-ta, OK, bon, là, OK, fais des dessins avec un enfant, fais ça avec l'autre, tu sais. Puis là, j'étais un peu prise dans le quotidien. Là, quand la sage-femme m'est arrivée, effectivement, j'étais déjà dilatée à peu près à 6 cm, mais je sentais absolument rien encore. Fait que là, pendant ce temps-là, on remplissait la piscine. Fait qu'on était comme tout le temps pris à, bon, OK, on s'occupe des enfants. Là, finalement, ma mère est venue chercher mes deux garçons. Puis là, on remplissait la piscine, ta-ta-ta. Puis on était pris, je pense que j'étais prise dans le... T'sais, j'ai pété dans mon corps dans cet accouchement-là, je trouve. Je trouve que j'ai été justement, là, j'ai fait... On dirait que j'avais absolument pas peur de cet accouchement-là. Je me sentais super gros en confiance. Je me disais, wow, après l'accouchement que j'ai eu, c'est comme, il n'y en a pas de problème, là, je suis capable d'accoucher, pas de trouble. Puis je m'attendais à ce que ça se passe un peu comme le deuxième. Je m'attendais à cette intensité-là, pas nécessairement avoir un orgasme, mais quand même avoir un vraiment sentir là, tout ce rush hormonal-là. Puis, sauf que là, j'étais trop dans ma tête. Je pense que c'est ça qui s'est passé dans, justement, on remplit la piscine, on fait ci, on fait ça, on appelle le monde. Puis que finalement, j'ai juste comme passé complètement à côté, on dirait, de mon accouchement. À un moment donné, j'ai senti que ça bougeait dans mon bassin. J'ai fait « Oh, je pense que ça s'en vient ». Puis là, je suis rentrée dans la piscine, j'ai mis ma main à la vulve, puis la tête était déjà là. Donc, le bébé est sorti, puis j'ai fait « Oh mon Dieu, j'ai l'impression d'avoir pondu un œuf, qu'est-ce que c'est ça, tu sais? » Fait que ça, c'était assez étrange comme sensation. J'ai vraiment l'impression que j'avais pas accouché. Tu sais, qu'est-ce qui s'était passé entre les deux, là, je me trouvais avec un bébé. Donc, c'était un peu différent. Mais c'est quand même le fun d'avoir un accouchement sans douleur, là. Je me plaindrais pas. Mais disons que c'était pas la même sensation. Je m'attendais pas à ce que ça se passe avec... que je chante si peu, finalement... Et lorsque tu racontes ton accouchement orgasmique, lorsque tu le racontais à ton entourage, c'était quoi leur réaction? Bien, au début, je parlais pas d'accouchement orgasmique, je parlais juste d'accouchement sans douleur. T'sais, moi, puis les gens me croyaient pas. Vraiment, je pense qu'il y a personne vraiment qui m'a cru à part l'instructrice d'hypnonaissance, là, qui elle savait que ça se pouvait. Mais sinon, non, les gens, ils me croyaient juste pas. Puis je faisais juste dire, je disais même pas que j'avais eu un accouchement orgasmique, je disais juste que j'avais eu un accouchement sans douleur. Il y avait juste mon chum qui, manifestement, lui, il comprenait, puis il avait été là, puis il l'avait senti. Mais sinon, c'était vraiment l'incrédulité jusqu'à ce que le documentaire Orgasmic Birth sorte, puis que là, ça sache, puis que là, on commence à en parler. Ouais, ça a l'air qu'il y en a qui peuvent avoir des orgasmes en accouchant. Puis là, j'ai commencé à dire, oui, moi, ça m'est arrivé. Puis là, c'est à ce moment-là que les gens commençaient à me croire déjà, puis à dire, oh ouais, puis c'était comment, puis à s'intéresser, puis à trouver ça comme un peu fascinant que je leur raconte mon expérience. Mais jusque-là, c'était vraiment comme si c'était pas ce que j'avais vécu, c'était pas vrai, là. Puis moi, je trouvais ça triste parce que j'avais envie de partager cette expérience-là que j'avais vécue, que j'avais trouvée tellement belle, puis j'avais vraiment envie que les femmes sachent que ça pouvait être différent. Moi, j'étais tannée qu'on parle juste de douleur pendant l'accouchement. Je disais, on peut-tu parler aussi du plaisir qu'on a, de tout ce que ça nous apporte de beau? Puis, je n'étais pas capable d'en parler parce que les gens ne me croyaient pas. Puis, c'était tout de suite, la porte se refermait. Alors là, j'étais contente de pouvoir en parler puis que, tu sais, il y a eu une ouverture là, à voir l'accouchement autrement. Et c'est quoi t'as appris suite à ton expérience orgasmique? Ben, je trouve que c'est... vraiment l'importance de cette période-là dans la vie d'une femme, puis dans la vie, évidemment, de ce bébé-là, c'est sa naissance. Mais comment que ce moment-là, il est tellement important pour... moi, en tout cas, ça a été le moment d'empowerment le plus important dans ma vie. Là. Je veux dire, c'est il y a moi avant, il y a moi après. Là. Ça, je veux dire, c'est la confiance que ça m'a donnée dans la vie, la confiance que ça m'a donnée dans mon propre pouvoir, la sécurité. Puis ça, c'est inestimable ce que ça m'a apporté. Puis je pense que c'est tellement important quand on devient parent de se faire confiance. Puis d'autant plus que, justement, quand je compare avec mon premier accouchement où je me suis sentie tellement vulnérable, puis que là, après ça, même pour m'occuper de mon enfant, tu sais, la confiance de se dire je suis capable de prendre les bonnes décisions n'était pas là complètement. Tu sais. Oui, je me sentais pas complètement impotente non plus, mais je me faisais pas confiance. Il y a plein de gens qui te donnent des conseils, tu dis ouais, peut-être qu'ils savent plus que moi, tandis qu'avec lui, c'est comme non, regarde, je sais, je vais me faire confiance et je vais écouter mon bébé et je vais m'écouter. Puis je pense que c'est tellement important de s'écouter puis d'écouter son bébé quand on est parent, puis surtout la confiance que ça nous amène dans toutes les sphères de notre vie. Tu sais, je pense que après t'sais, on dirait qu'il n'y avait rien. Là. Je me sentais, amenez-en des défis, je suis capable d'en prendre. J'avais l'impression qu'il n'y avait rien que je ne pouvais pas accomplir à ce moment-là. Puis ça, c'est extrêmement riche. Puis pour ce bébé-là, je pense que d'être accueilli là-dedans, d'être accueilli dans autant d'amour, dans autant de joie, de cette façon-là, je pense que ça lui laisse un cadeau pour la vie. T'sais. Je pense que c'est vraiment important que... Qu'on donne cette possibilité-là aux femmes de vivre complètement l'expérience de l'accouchement le plus possible, parce qu'il y a vraiment un pouvoir qu'on se découvre à ce moment-là, puis il y a quelque chose qui naît à l'intérieur de nous aussi en même temps. Et comment ton partenaire, lui, a trouvé ça, de vivre cette expérience-là? Je te remercie, Nicole, pour ton merveilleux témoignage très inspirant. Nous allons nous quitter en musique sur Marat Tremblay avec Des Niaises. C'était Jessica Boulanger pour l'émission « Connaître ensemble ». On vous attend mercredi prochain de 10h à 11h avec une émission sur la VAC et la pièce de théâtre « Naissance » sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente semaine. Présent à ce moment-là, il trouvait ça tellement beau. Là. Il était vraiment émerveillé. Puis après, il en parlait à tout le monde, comment ça avait été incroyable. Puis... Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.